Bon, le sujet de la soirée, c'est la vision de votre destin. Évidemment, les gens veulent toujours connaître l'avenir. C'est crispant, palpitant, épeurant. Mais que cette curiosité nous mène toujours à l'affaire de la fatalité, ça, c'est choquant. Mais il faut quand même comprendre que la curiosité qu'on a de voir notre destin, il y a une fonction à ça. Tout le monde cherche à connaître le destin ou l'avenir. L'avenir, le destin, ça, les gens ils disent tout le temps qu'ils vont pouvoir changer quelque chose. Mais l'idée de connaître le destin, c'est un peu comme pour essayer de prévoir les surprises, les imprévus, les malaises qu'on peut rencontrer dans une vie, parce qu'on sait que, bon, quand il fait soleil, il va éventuellement pleuvoir, et on sait que s'il pleut, c'est triste, c'est malheureux, c'est difficile à vivre. Donc, les gens veulent connaître un peu leur avenir parce que il y a beaucoup de pression qui se crée dans une vie qui mène inévitablement à la mort. Hein? On sent mourir un jour ou on sent qu'on va y aller. Et puis, on essaie de voir si on pourrait pas donner un petit peu plus de longueur à notre vie puis d'amélioration de l'étape aussi que l'on vit quand on s'en va vers une destination, une dynamique de vie qui exige beaucoup d'efforts, beaucoup de combats, beaucoup de luttes pour arriver à des résultats qu'on vise évidemment jeunes à travers nos rêves et puis qui deviennent avec le temps difficiles à accéder quand on n'a pas pesé ses bons pitons pour se rendre justement à ce fameux rêve-là. Le destin, c'est toutes ses origines, ou la programmation, si vous aimez mieux, c'est toutes ses origines dans vos peurs, dans vos talents et dans les échanges que vous avez avec les gens. Votre avenir, c'est vos échanges. La programmation et les obstacles que vous avez à rencontrer à travers vos échanges, c'est vos peurs. La capacité que vous avez de solutionner ou de passer à travers l'obstacle, c'est vos talents. C'est conséquemment évident que plus vous avez peur, plus ça exige de talent pour passer à travers. Que si vous n'avez pas ce talent-là, il vous faut des échanges pour compenser. Vous comprenez à ce moment-là que ça devient extrêmement vital pour quelqu'un qui a beaucoup de peur et peu de talent d'être en échange. Parce que s'il n'y a pas d'échange, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas le talent pour pouvoir affronter ses peurs. C'est à vous, si vous voulez faire une lecture de votre destin, c'est à vous à évaluer si vous avez plus peur que de talent que vous disposez. Puis là, vous allez me dire comment on peut mesurer ça. C'est simple. Si vous êtes drainé par votre passé, si le passé vous aspire constamment, c'est parce que vous manquez de talent. Parce que si vous aviez du talent, vous seriez dans votre présent. Votre présent vous ferait trouver des solutions immédiatement. Si vous n'avez pas le talent, si vous n'avez pas la solution, c'est sûr que vous allez vous questionner sur ce que vous avez été, sur ce que vous étiez, sur ce que vous avez subi de votre passé. Vous allez normalement jeter le blâme sur quelqu'un parce que vous allez dire « je suis pas impuissant, ça peut pas être de ma faute, c'est la faute de quelqu'un ». Donc, votre passé vous draine. Vous trouvez une solution, ça, c'est sûr que c'est votre talent qui vous l'a trouvé. Peut-être stimulé dans un échange, mais c'est sûr que c'est votre talent qui va vous avoir permis de neutraliser ce qui vous aspire dans le passé, ce qui vous aspire dans un conditionnement psychologique quelconque qui vous restreint dans votre futur ou dans votre avenir. C'est donc important de situer ses peurs puis de pas se cacher qu'on en a, parce qu'on a toutes des peurs. Et puis, c'est très important de comprendre que la peur, il faut l'affronter avant de mourir. Ça ne veut pas dire que si vous ne l'affrontez pas, vous allez mourir plus jeune, mais vous pouvez vivre avec une peur très, très longtemps. Mais une chose est certaine, c'est que pour survivre à une peur, il faut avoir un talent. Ou il faut avoir un drôle d'échange avec un environnement qui est capable de nous réduire le stress d'une peur pour pouvoir nous permettre d'avoir le goût de vivre puis de vouloir subvenir à nos besoins avec une petite pitance, là, tu sais, genre métro, boulot, dodo. Pas d'échange, un être humain est dysfonctionnel s'il sent pas ses talents ou s'il utilise pas ses talents. Une personne qui peut se permettre d'être indépendante a beaucoup de talents. Si elle est autonome, est assez intelligente pour savoir marier ses talents et ses échanges avec son environnement et faire face à des grandes peurs. Les grandes peurs, ça peut inclure la peur de la mort. quand vous faites face à des expériences qui vous obligent à risquer votre vie physiquement, ben c'est sûr qu'il vous faut une structure d'échange autour de vous, puis il faut effectivement un talent. Il y a un gars là qui grimpe, là, un Français qui grimpe les gratte-ciels. Il y a certainement une bonne famille pour lui faire une bonne soupe en revenant à la maison. Puis, il a définitivement un talent, le gars. T'sais, pour moi, il se met de la colle dans les mains, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est impressionnant ce qu'il sait faire. Parce qu'il doit faire face à des grandes peurs. Peut-être qu'il a moins peur que nous autres, parce qu'il y a beaucoup de talent. Nous autres, ayant peu de talent, on aurait une peur bleue de monter ne serait-ce qu'à 200 pieds. Mais définitivement, il faut beaucoup de talent pour neutraliser une peur. Et il faut quand même de l'échange. Malgré le fait que vous ayez des talents, il faut vous régénérer. Une armée, tu ne l'envoies pas au front sans y avoir un approvisionnement en munitions, puis en alimentation, puis en tout ce que tu voudras. Il y a un besoin d'une structure qui supporte. Le principe du couple, c'est ça, hein? L'exécution puis le support. Une personne a toujours besoin d'être supportée, puis même les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de couple ont quand même besoin de support. Parce que pas de support, tu ne peux pas exécuter indéfiniment. Puis dans une structure de couple, s'il y en a deux qui exécutent, puis il y a un manque de support, c'est les enfants qui vont prendre le choc. Ou ça va être un environnement quelconque qui va être obligé de supporter, mais le couple est en danger s'il n'y a pas de support, parce que deux leaders dans la maison, ça va vers un divorce automatique. Parce que tu as besoin d'un support et d'un processus d'exécution qui repose sur du talent, pour que chaque individu soit capable de faire face à ses peurs, peur de ne pas générer, peur de voir l'autre mourir, peur de mourir soi-même, peur de s'attaquer à des défis qui sont trop gros pour toutes sortes de raisons. Fait que ça demande l'échange pour avoir ce qu'on appelle un comité d'administration qui étudie la situation, qui étudie la problématique. Moi, quand je fais de la consultation avec les gens, en général, c'est un peu ça, le fameux CA, comité d'administration, qui permet à un individu de faire le point sur des zones de crise éventuelles ou actuelles ou passées, peu importe, qui ont tendance à miner le talent et puis qui engendre qui a tendance à magnifier la peur. Parce que quand vous êtes en barure, là, dans le sens que vos talents sont pas absorbés ou acceptés de votre milieu, les peurs vont apparaître plus parce que vous n'avez pas l'élément qui neutralise la peur. Pas de talent, ben des fois on a des talents, mais on n'a pas un environnement qui l'absorbe. N'ayant pas l'environnement qui l'absorbe, ben la peur apparaît. Elle ressort plus parce qu'elle n'est pas neutralisée. Fait que c'est sûr que quand vous dites une peur, moi j'y fais face, mais oui, il faut y faire face, il faut être des ressources. Si t'as pas de ressources, tu peux pas faire face à ta peur. T'sais. Un gars qui a la grippe, ils ne vont pas grimper comme le Français, ils ne vont pas monter d'un gratte-ciel de 40 étages quand il est malade. Il va attendre d'être ressourcé, balancé, équilibré. Il va trouver ça généralement dans son échange. Puis après ça, son talent va pouvoir se remettre vivace, vif, dynamique. Puis là, il va pouvoir faire face à la peur. La peur, c'est un obstacle. C'est pas ta peur. Ça peut être une peur collective. Je regardais le film là, sur les serpents. Là. Une chose que c'est du virtuel. Apparemment que les vrais serpents sont plus moins agressifs que ça. Il expliquait ça dans le journal aujourd'hui qu'il avait fait. C'était tout du 3D, ça là. C'est pas des vrais serpents, c'est fait fictif. Ils ont fait plus agressifs. Mais moi, quand j'ai vu les previews, je dis c'est l'affaire, la bébite que j'ai le plus au monde, c'est le serpent. Puis je dis, moi, être pris dans l'avion avec ça, je pense que je me suiciderais plutôt que de me faire mordre, ça n'a pas d'allure, peur de même. Et que j'ai pas le talent de faire face à cette bestiole-là, tu sais. Amène-moi un chien, quelque chose à quatre pattes, mais pas quelque chose qui rentre. Ça me fait un drôle d'effet. Les bestioles en général, les bébites. Moi, j'ai un maringouin dans ma chambre, je dors pas de la nuit. Hein. Fait que, tu sais, on a pas toutes les peurs placées en même place, mais pour du monde qui aurait l'insectophobie aussi fort que moi, ben c'est sûr que si on était dans la même pièce, on capoterait tout en même temps. Il faudrait vraiment un exterminateur convaincant pour pouvoir nous calmer en 5 minutes. Ça ferait partie de l'échange, c'est sûr. Je donnerais facile ma guitare électrique pour ça. Oh yes! Fait que les origines de votre destin, ils sont là-dedans. C'est-à-dire que tous les événements de votre vie sont... Tu sais, quand on fait un gâteau, on mêle la farine, les œufs, et tatata. Mais tous les ingrédients qui font le gâteau de votre vie, donc votre destinée, c'est dans ce triangle-là. Évidemment, vous allez me dire, oui, les peurs varient d'une personne à l'autre. C'est pour ça que vous avez des destins différents. Et vos talents varient aussi selon la structure génétique dans laquelle vous avez placé vos parents avant de naître. Et puis, mais vous avez, en général, le talent qu'il faut pour faire face à la peur qui vous est programmée. Fait que vous pouvez considérer dans la vie que les peurs que vous avez ce qu'il faut pour y faire face. Donc, pensez que vous êtes incapable, quand la vie, les forces, vous présentent l'événement, c'est pas la vraie affaire. Allez fouiller dans votre passé, vous allez découvrir un outil, une capacité, quelque chose que vous avez déjà fait qui était peut-être pas à aussi gros volume pour faire face à la peur que vous avez immédiatement, parce qu'à cette époque-là, peut-être que c'était plus petit, c'est possible. Mais si vous savez mêler votre talent avec de l'échange, il y a des bonnes chances que vous allez vous électrifier assez pour faire face à la peur. Moi, je pars toujours de ce pattern-là. J'ai du talent. Si je me mets en échange, je vais trouver quelqu'un qui est capable de neutraliser l'obstacle. Pour moi, une peur, c'est plutôt un obstacle aujourd'hui. Fait que ça va neutraliser l'obstacle dans lequel je suis placé. Il y a des gens qui ont pas mes ressources, mais ils ont des ressources que j'ai pas. Fait que j'ai juste à me mettre en échange. Il va se servir de son talent, je vais me servir du mien, puis on va neutraliser. Moi, je vais neutraliser une partie de sa peur, puis lui va neutraliser une partie de ma peur ou de l'obstacle. Si le mot peur vous convient plus à un moment donné, parce que vous dites, moi, j'ai plus peur de rien, mais là, vous pouvez regarder ça en termes du mot obstacle. Même les gens qui n'ont pas peur ont des obstacles dans la vie. Quand on parle destin, on parle aussi fatalité. Puis fatalité, ça, pour des gens bien, bien actifs, des gens qui sont conscients de leur talent, qui ont beaucoup d'échanges, qui ont beaucoup de contacts, beaucoup de communication. C'est comme, le mot fatal, c'est comme ils veulent pas l'entendre, celle-là, parce que ils ont l'impression profonde de forger leur vie. Tu forges toujours ta vie dans les périmètres de ton talent, puis dans la mesure où les obstacles qui te sont présentés ne sont pas trop gros pour complètement t'arrêter. Fait que la peur, le talent, moi, dans mon cas, c'est d'être capable d'y aller avec l'occulte. Bien, il me confronte à des obstacles pour que l'occulte, mon occulte, ou la vision que j'ai de l'occulte, ça soit précis, ça soit réel, ça soit pas négociable, que je puisse pas me faire ostiner là-dessus parce que j'ai trop de preuves à mon actif. Comprenez-vous? Fait que ça fait partie de mon talent. Puis moi, je me mets en échange avec les gens sur ce talent-là, qui est une capacité psychique de lire dans les événements. Mais ils peuvent me mettre des obstacles à l'infini, là, tu sais, pour m'obliger à aller, bili, tu sais, pour les gens, pour n'importe quelle situation. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une fatalité. Puis même si tu comprends, ça c'est le point que je veux mettre, là, même si tu comprends, comme moi je comprenais qu'ils ne pouvaient pas pousser à ce point-là, là, je dis, vous exagérez, là, pour une petite conférence à 25 personnes, là, je dis, Christ, je trouve que vous vous mettez à la gomme pas mal fort, là. Je dis pas, j'aurais une affaire comme 400-500 personnes à aller voir. Là, tu me fais perdre mon portefeuille. Je suis obligé d'appeler, le ministre de la Justice du Québec, si quelque chose dans le genre. Là, ça pourrait valoir la peine, là, mais là, c'est pas le cas. Là. J'avais une bonne lecture, mais même si j'ai une bonne lecture, je peux pas changer la situation. Ça, c'est important de comprendre ça. Pensez pas que parce que vous êtes capable de lire l'obstacle que vous pouvez éliminer l'obstacle. Ça me fait penser un peu à Robert qui a un GPS. C'est pas parce que tu lis la route que tu as fait la route. Tu lis la route, ça dit tourne à droite, tourne à gauche, mais tu es obligé de passer sa route pareil, comme la route est définie sur le plan. Vous me suivez? Ben, le destin, c'est un petit peu ça. C'est une cartographie qui est déjà intégrée dans votre système de vie. Puis c'est pas parce que vous avez le GPS dans le cadran qui vous permet de lire la carte que vous allez échapper au chemin. Comprenez-vous? Bon. C'est sûr que vous pouvez dire, ben moi, je vais prendre un raccourci, puis je vais aller dans le champ, je vais passer dans le bois, puis mais le GPS va toujours vous suivre, il va toujours vous dire, regardez, là, ta petite flèche, elle passe par là. Fait que la dynamique de la lecture, puis il y a bien du monde qui se font attraper là-dedans, c'est que le jour où vous êtes capable de lire dans vos peurs les conséquences, puis qu'est-ce que ça exige comme talent pour la neutraliser, cet obstacle-là, cette peur-là, l'obligation de vous mettre en échange. Moi, il y a des choses que je suis définitivement pas capable de faire. Fait que ça te fait utiliser de l'échange pour activer un talent, pour neutraliser des obstacles. Moi, dans mon cas, je regarde pas la vie en tant que peur, je la regarde plutôt en tant qu'obstacle, mais j'aime mieux vous le présenter à vous autres comme une peur, parce qu'en général, vous vivez des obstacles parce que vous avez peur. Rendu où j'en suis, moi, là, c'est pas tellement une affaire de peur, c'est une affaire de qu'est-ce qui me laisse faire. ou sur quoi ils vont me bloquer, pour quelles raisons. Mais ça, il faut déjà avoir un dialogue avec les forces pour pouvoir cadrer là-dedans. Psychologiquement, l'individu carbure à la peur. T'sais. Fait que ses peurs, s'il les lit bien et s'il les admet, faut admettre que tu as peur, là. Si tu les admets, ben, tu vas savoir la dose de talent qu'il faut pour pouvoir neutraliser ça. C'est comme ça dans vos vies. Vous avez peur de quelque chose, vous avez des obstacles? Faites-y face. Mais faites-y face en sachant que c'était peurant, là. C'est toujours pas une joke. Tu sais, quand tu roules 140 sur l'autoroute, l'asphalte, là, ça va trapper grain fin, hein, si tu tombes sur le côté, là, surtout en camisole. Fait que ça a beau avoir du talent, qu'il faut pas que tu l'oublies que c'est un obstacle. Il est toujours là, l'obstacle. C'est juste que là, tu as le talent qui devient assez réflexe pour neutraliser l'obstacle d'une façon continue. Vous êtes exposé à énormément de peur. Quand vous conduisez une auto, là, imaginez-vous à l'âge de 5, 6, 7 ans, vous n'étiez pas en mesure de conduire un véhicule. Puis regardez les conditions météorologiques dans lesquelles vous avez conduit depuis les derniers 5, 6 ans. Des situations à risque terribles, là, quand vous êtes sur le verglas, les routes glissantes, les gars qui vous braquent dans le visage, il faut dire réflexe, pas à peu près. Mais pour vous autres, c'est rendu normal. C'est rendu normal aujourd'hui, parce que vous avez développé la contenance puis le talent pour faire face à ça, mais pour bien du monde, c'était des peurs épouvantables. Il y a du monde qui ne conduisent pas de leur vie tellement qu'ils ont peur. Quand vous avez eu peur, vous avez été soit obligé de prendre des cours ou rencontrer des gens qui vont dire, ben voyons donc, c'est sûr, c'est dangereux, mais si tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas si pire. T'sais? Fait que là, vous avez eu de l'échange pour pouvoir vibrer avec quelqu'un une ressource qui n'est pas la vôtre immédiatement, mais qui peut le devenir éventuellement. Puis c'est comme un effet de vase communicant. Mais quand vous parlez avec les gens, puis que c'est bien intense, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de présence de la part de l'autre à votre situation, c'est un transfert de fichiers qui se fait. C'est du sexe virtuel, là, mais c'est le même principe. Quand vous serez des extraterrestres, plus tard, quand vous aurez grandi, vous allez vivre ça comme ça, de façon virtuelle. En attendant, soyez humains. Mais en étant capable de sentir que dans l'échange, vous pouvez améliorer votre talent et conséquemment votre contenance face aux obstacles, vous avez une lecture qui vous permet de ne pas modifier l'obstacle, mais qui vous permet de faire un constat qui va vous permettre après ça d'aller, je dirais entre guillemets, plus rapidement trouver la solution. Puis si vous trouvez plus rapidement la solution avec vos échanges, c'est déjà programmé. Parce que vous avez déjà une ouverture d'esprit pour aller échanger avec votre environnement de telle façon à ce que vous soyez capable d'utiliser votre environnement pour améliorer votre rapport avec l'obstacle. Toute personne ici veut améliorer sa vie. Toute personne qui pense améliorer sa vie pense éliminer des obstacles. Puis toute situation qui exige d'éliminer des obstacles exige l'exploitation d'un talent. Peu importe la nature du talent. Puis souvent, le talent qu'on a n'est pas suffisant seul avec certains obstacles. Et c'est là qu'on développe de la solidarité ou des liens avec des gens pour justement faire face en groupe ou en couple. Tu sais, en couple, c'est la base. En famille, après ça, en groupe, pour faire face à la nature de l'obstacle. Plus les obstacles sont gros, plus ça demande de monde. Plus ça demande de monde qui n'ont pas peur. Nuance. Si vous rassemblez avec une gang de peureux, vous allez voir que l'obstacle va être plus gros que la réalité. Parce que vous allez faire face à l'imaginaire qui est en dehors de la réalité. Parce que si vous avez une peur qui est réelle, dans le sens d'un obstacle réel, puis que vous commencez à l'émotiver ou à mettre beaucoup, beaucoup de sentiments ou d'émotions dans cette peur-là ou dans cet obstacle-là, l'échange que vous allez avoir avec des gens qui vont rendre ça encore plus émotif, ça risque de créer un monstre qui va être aussi réel que les gens vont être incapables d'utiliser leurs ressources. Si vous mettez 200 personnes qui sont plus capables, qui sont paralysées parce qu'ils sont plus capables d'utiliser leur talent à cause de la nature de la peur, puis à cause qu'ils se font vendre entre eux autres l'idée qu'ils sont pas capables ou un sentiment d'impuissance quelconque, là, c'est fatal. C'est aussi bien d'être seul dans ce temps-là. Mais si vous êtes avec des gens qui, dans l'échange, ont une grande contenance et une capacité d'utiliser le talent dans peu importe la nature des conditions d'obstacles dans lesquelles ils sont placés, là, à ce moment-là, vous allez sentir les bienfaits de l'échange. Mais l'échange n'est pas toujours un sujet d'amélioration si les gens sont pas capables de neutraliser l'élément émotif ou l'angoisse qu'il y a devant l'obstacle. C'est pour ça que la lecture que vous êtes capable de vous faire de votre destinée, il faut être absolument capable de vous-même, tout seul. Après ça, qu'elle tombe dans un relationnel, oubliez jamais que ça se modifie pas un destin. Ça se vit, ça se neutralise, mais ça se modifie pas. Ce que vous avez à traverser, vous êtes obligé de le traverser. Fait qu'arrangez-vous de le traverser avec les bonnes personnes. Qui vont être capables aussi de strictement faire des constats puis d'être capable de faire face à l'obstacle. Si vous faites un constat d'impuissance générale, là, faites la prière selon la religion que vous avez, puis dites-vous que, bon, il y en a pour 30 secondes, puis après ça va être fini. Puis si vous faites pas un constat d'impuissance, parce que les forces vous obligent à vous mettre en échange pour faire face à l'obstacle, ben là, à ce moment-là, cliquez pas sur l'échange. Essayez pas de faire les indépendants en pensant que vous avez la solution. Des fois, la solution, vous en avez l'idée, mais vous n'avez pas la puissance. Il vous faut un environnement qui a peut-être pas d'idée, mais qui a une maudite force motrice pour faire bouger le problème, bouger l'obstacle. Puis, exemple, pour faire ça simple, il y a une grosse roche à déplacer. Il faut être quatre pour la déplacer, puis il y en a un qui a l'idée. Mais si tu laisses celui qui a l'idée tout seul pour déplacer la roche, il va toujours manquer de puissance parce qu'il a besoin de trois paires de bras supplémentaires pour déplacer l'obstacle. Fait que même s'il a la bonne idée, c'est pas le boss pour autant. C'est simplement un élément qui est nécessaire pour savoir comment bien faire les choses pour neutraliser l'obstacle. C'est un constat qui doit être partagé, vécu. Si on fait du pouvoir avec ça, on risque de justement pas déplacer l'obstacle. Puis d'être le seul à avoir l'idée, mais à pas être capable d'utiliser l'échange pour pouvoir réellement mettre à terme l'obstacle. Ça, c'est le problème de bien du monde. Quand vous avez de l'échange, vous êtes avec ce qu'on appelle les autres. Tu sais, les autres, ils m'aident pas. Les autres. Mais quand vous êtes avec les autres, Si vous voulez un truc pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans votre vie, regardez ça comme le fait qu'ils sont comme un... Tu sais, les ingénieurs se mettent des poteaux là pour se donner des guides avec le télescope, là, les ingénieurs civils, là. Des jalons, c'est ça, les arpenteurs géomètres, c'est ça. Bon, ben, ces ingénieurs-là ont besoin de ces jalons-là pour avoir une mesure d'un contour, d'un territoire ou d'un espace qui doit être mesuré pour des raisons légales, toutes sortes de raisons. Bien, les autres dans votre vie, c'est des jalons pour avoir une mesure de où est-ce que vous êtes rendu. Les gens que vous fréquentez, les gens que vous rencontrez, c'est à la fois votre présent et votre futur. Les problèmes que vous avez avec eux, les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie, puis les obstacles qu'ils peuvent régler dans votre vie, c'est la dynamique de votre avenir. En général, vous avez des casse-pieds, puis vous avez dans les échanges, puis vous avez aussi des gens qui sont là pour régler le problème. La vie vous fournit toujours une polarité. La vie vous fournit l'élément négatif, donc les autres au négatif, puis ils vous fournissent également l'environnement pour régler l'obstacle. Une dualité, c'est toujours une sorte de duel, la vie. C'est toujours un élément qui exige que l'individu utilise son talent, utilise les talents de son environnement, puis force son environnement à utiliser son talent pour régler un obstacle. Ça peut s'exprimer dans des individus, par l'inertie des individus, par le non-regard, c'est-à-dire l'impuissance à regarder dans votre direction pour... reconnaître votre capacité mentale, sociale, intellectuelle, financière ou quoi que ce soit. Puis, c'est vous qui avez dans votre destinée l'étape de vie dans laquelle vous avez, c'est vous qui avez l'obligation de stimuler chez l'autre les ingrédients, les éléments qui font, qui va se mettre en échange avec vous pour neutraliser l'obstacle. Pour ça, pour que la personne soit motivée, à faire face à une destinée qui est la sienne, mais qui converge un peu vers la vôtre, ben, il faut que vous trouviez des intérêts communs. On connaît beaucoup le profit dans le sens de la finance, mais il y a d'autres zones de profit qui sont l'appartenance, la solidarité, l'équilibre, le bien-être vibratoire. Personne qui est bien vibratoirement est plus efficace en général, tout le temps, plus constant et régulière. C'est pas des à-coups, puis après ça, elle disparaît. Puis ça rend l'individu plus subtil. Parce que les forces aiment beaucoup les gens qui deviennent plus subtils. Quand ils vous placent dans des expériences, vous allez remarquer, ils vous font répéter certaines expériences pour que vous ayez une approche plus subtile de la situation. Pensez aux jeux vidéo. Ils vous mettent ça à 14, 15, 20 niveaux. C'est toujours le même petit bonhomme qui fait le concours, mais il vous rend le niveau de difficulté toujours plus subtil. Ça, c'est très fort chez les forces de vous amener tout le temps dans vos rapports humains à de plus en plus être subtil. Les agressions sont plus subtiles et les solutions sont plus subtiles. Ce qui veut dire que dans votre destinée, vous pouvez savoir où vous êtes rendu, si vous êtes dans les phases primaires de la vie ou si vous êtes dans les phases excessivement avancées de votre programmation, en regardant le jeu de compréhension que vous avez dans les subtilités. Moi, quand j'étais en train de chercher mon portefeuille, puis que je savais qu'il faisait ça pour me mettre en crise avant la conférence, parce que je pensais à Bernard qui se tapait un coude ou qui se tapait quelque chose, un orteil, quelque chose du genre, juste avant une conférence, c'est toujours dans des subtilités. Tu sais que c'est une game, mais tu es obligé de jouer à la game, tu n'as pas le choix, puis tu es obligé de jouer à la game tout en sachant que c'est une subtilité, que ça n'a pas de conséquences, mais c'est conséquentiel. C'est grave, mais c'est pas grave. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si tu devais avoir un accident, là, tu te dis, hey, là, je vais fesser, ça n'a pas d'allure, gardons ça, ça dérape, ça n'arrête plus, puis tu perds pas le nord, là. Tu es complètement stable, tu n'as pas de panique à l'intérieur de toi, puis tout à coup, oup, oup, oup, oup, oup, ça se corrige tout seul, puis tu as juste passé proche. Puis tu te dis, ouais, ça dit que ce coup-là, là, j'aurais pu y passer, tu sais. Puis c'est... Ce qu'il voulait voir, c'est, es-tu capable de rester au neutre là-dedans? Quand l'instinct prend le dessus, c'est un manque de subtilité. Quand c'est l'esprit qui s'occupe de régler le problème, ça, c'est subtil. Fait que vous avez deux niveaux. Le piton fret, le piton chaud. Piton fret, c'est l'âme. C'est peu, dur et bête. Puis le piton chaud, là, c'est en subtilité. Quand vous avez à vivre vos solutions au niveau de l'esprit, là, que c'est plus de l'âme, c'est plus de l'émotion, puis de l'excitation, ou de la grosse crainte crasse, là vous êtes obligé de jouer au niveau de l'esprit. Si vous n'êtes pas au deuxième étage, là, c'est sûr que vous allez crasher. Beaucoup de gens qui crashent en finance, en santé, ou n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, ils sont tout le temps en train de régler sur le plan de l'instinct. Ils se donnent des règles qui sont basées sur une mathématique instinctive. Ils disent, ah, ben moi, je peux pas faire ça parce qu'il a pas fait ça, puis pop, pop, pop, pop. Ils font des calculs dans des comportements qui sont pas subtils. Ça reste bêta, là. Ça reste la grosse psychologie. C'est pas subtil. Comment je pourrais expliquer ça? Un exemple de ça. Bon, regarde, les hommes sont pas subtils avec les femmes. Les femmes vont te parler, puis ils disent rarement ce qu'ils veulent dire. Si t'es pas capable de lire à travers les lignes et qu'une femme, t'as des gros risques d'accrochage. Fait que, quand t'as dit on va au restaurant, là, il y a tout un langage en arrière qui veut dire d'autres choses. Ben, si le gars, lui, il dit c'est un restaurant, ben, on va aller chez Valentine. Pour lui, c'est 11 bouts de saucisse, puis ça va être réglé, tu sais. Peut-être que la femme a fait quelque chose de plus sophistiqué qu'avec une ambiance. Faut que tu saches lire. T'sais, c'est pas juste aller au restaurant. T'sais. Mais si le gars dit ça coûte trop cher si on va là, peut-être que c'est plus une affaire de qu'est-ce que ça coûte, mais c'est une affaire de qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux. Et là, selon le choix de ton restaurant, on va savoir qu'est-ce que tu es prêt à miser sur elle. Sais-tu que faut que tu sois subtil, lire ça. Parce qu'un gars, lui, regarde dans son portefeuille, il dit, bon, ben, il me reste 20$ pour une carte de crédit, on va aller chez Valentine. Puis s'il regarde les yeux de sa femme, on va-tu au restaurant, puis qu'elle est toute pomponnée, là, avec une robe de 400$ sur le corps, qu'elle a acheté il y a 2 ans, qu'elle n'a pas sorti souvent. Ça, c'est un message comme quoi, je sais pas, on pourrait aller à cage au sport, peut-être. Monter de grade. Non, mais tu sais, cage au sport, c'est mieux que Valentine. Ça coûte plus cher, en tout cas. Je t'agace. J'essaie juste de faire comprendre que le gars, Il n'est pas subtil. C'est ça que je vais te faire comprendre. Puis que si... Ça dépend du jour de la fille, où est-ce qu'elle te sort, là, tu sais. C'est sûr que si elle est à l'île des Sœurs, elle va demander d'autres choses. Elle va dire, on peut s'aller chez Toki, mettons, ou le restaurant, le cheval, cheval blanc, là, tu sais, je sais pas trop, là. Que cheval, là. C'est M. Leblanc qui est propriétaire. Fait que c'est ça, fait que c'est une question de lecture. Mais si tu lis l'autre, ou les autres, ou comment les autres évoluent, si tu aides les autres à se transformer de l'instinct à l'esprit, puis que les gens avec qui que tu côtoies sont des gens qui sont de plus en plus capables de lire des subtilités, bien, c'est sûr que tu vas être rendu dans une étape de vie où les obstacles ne seront plus lus comme des peurs, ça va être lu comme des obstacles. Moi, je suis avec un environnement qui est toujours dans l'affaire de la peur, la peur, la peur. Je suis pas dans mon élément. Moi, j'ai besoin de vivre avec des gens qui voient la vie à travers des obstacles, pas à travers la peur. Ils ont un obstacle, puis ils font face en trouvant les talents qu'il faut pour pouvoir régler le problème. Ça, c'est mauditement plus relaxant que quelqu'un qui capote à répétition. Fait que c'est une lecture. Tu sais, tant que tu as la lecture de la solution potentielle, ben tu fais partie d'un trip. Tu es avec un environnement qui tripe sur quelque chose, genre on va voir jusqu'où on peut aller avant de mourir. Tu sais. L'ego, c'est ce qui enveloppe tout ça. Un ego, c'est un réceptacle. C'est comme un auto. C'est comme un ego pour un être humain. Quand tu embarques dans ton auto, tu es dans un ego. Tu rentres, c'est comme l'esprit qui rentre dans l'ego. Comprends-tu? Fait que dépendant de la nature du pilote, ben il va être plus astralisé ou plus esprit pour le véhicule. Fait que le véhicule va se faire brasser selon la nature du pilote. Bon, ben nous autres, on est un véhicule. L'ego, c'est un véhicule qui va être piloté soit par de l'âme ou piloté par de l'esprit. Mais ça, ces composantes-là, c'est un peu comme un cours de conduite pour l'ego. Tu sais, il est confronté à des peurs à cause de la nature de la programmation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une peur, c'est un obstacle, là. C'est pas plus que ça, là. C'est une peur parce qu'on met de l'émotion dedans, mais c'est pas de la, quand t'as pas d'émotion, c'est un obstacle. Il y a un jour que tu regardes plus la vie sur une base strictement émotionnelle, puis c'est plus de la peur que tu vis, là. C'est de l'obstacle. OK? Puis tu sais qu'il te faut un talent pour faire face à l'obstacle. C'est tout. Puis souvent, tu n'as pas assez de tes ressources, tu es obligé d'aller chercher des ressources de l'extérieur. Fait que l'ego, lui, c'est ce qui en cache ça. C'est le véhicule. Reste au mot véhicule. T'as une auto, c'est un véhicule. Il véhicule ta vie, l'ego. Il y a pas. Quand on dit quelqu'un a de l'ego, on ramène tout le temps ça au fait qu'il réfléchit. Mais c'est pas réel, parce qu'un ego, quand c'est transparent, ça réfléchit plus, là. C'est la coloration qui fait réfléchir l'ego. Mais de l'ego, c'est strictement un véhicule, ça prend la couleur du pilote. Si le pilote est au niveau de l'âme, ben c'est sûr que ça va être très, très coloré, très réflectif. Puis si ça se vit au niveau de l'esprit, ben ça va se vivre en dehors de la réflexion, donc en dehors de la coloration. Mais Bernard, il y avait un ego, il y a une personnalité... Il y avait une programmation de lion, puis tout moi, il était lion pas à peu près. Excepté qu'il était capable d'équilibrer ça, balancer ça. Il faut que tu saches travailler avec tes échanges pour créer une motricité dans ta vie. T'sais. J'embarque dans le marché là, dimanche soir, lundi ou plus tard. Ben, je vais checker là, tout ce que je peux faire tout seul. Puis si à un moment donné, je sens que je ne suis pas capable de garder ma discipline, donc ma contenance, je vais engager quelqu'un. Chris, même s'il faut que je la paye 100 piastres de l'heure, moi, le faire, parce que je vais en faire 1000 par jour. Tu comprends-tu? Fait que là, c'est plus une affaire de, à vous de ça. Le point pas là, c'est qu'est-ce que ça fait, l'échange? Ouais, mais vous autres, vous le calculez tout le temps au niveau de l'ego. Moi, je le calcule au niveau du mouvement. Si le mouvement se fait ou si le mouvement se fait pas. Si t'es pas capable de faire de mouvement parce que tu trouves que c'est trop cher, ben, à un moment donné, tu fais rien dans la vie, là. Parce que trop cher, c'est relatif, ça. Rien faire, c'est cher. Ça coûte cher, rien faire. Puis faire quelque chose, ben, faut que tu dynamises. Faut que tu te mettes des associations qui vont dynamiser. Moi, en général, je considère qu'un obstacle va me demander une ressource. Je mettrai pas du 5,50 vaut dans quelque chose qui demande du 110. Fait que si l'obstacle me demande du 110, je vais mettre du 110. Fait que c'est sûr que si l'obstacle est plus gros que mes talents, Mais je vais être obligé d'aller chercher dans l'échange quelque chose pour grossir le talent, pour neutraliser l'obstacle. Il n'y a pas de choix. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois moins dynamique qu'avant? Mettons, pour faire mon travail, c'est peut-être que j'ai mis bien de l'énergie dans d'autres choses que mon travail de CD et ces affaires-là. Comprends-tu? Fait que là, j'ai délaissé un secteur d'échange pour m'en aller dans un autre secteur d'échange pour développer du talent, pour faire face à un obstacle qui m'empêchait de travailler agréablement dans l'autre. Tu sais, je fais des conférences, mais tu sais, il y a de la place pour 100 personnes, Chris, puis j'en ai tout 20-25. Mais avec 20-25, je crève de faim. Il faut que j'aille ailleurs, développer d'autres choses qui vont régler la finance. Puis après ça, ben, qu'il y en ait 5 dans la salle, ça ne me dérange plus, j'aurais plus de tension. Tu me suis-tu? Ça m'a déplacé. L'obstacle m'a obligé d'aller faire des échanges dans d'autres territoires pour développer des talents et une contenance pour neutraliser l'obstacle que je rencontre. Okay. Si vous autres, vous êtes pareil. Si ton mari ne t'amène pas la sécurité que tu as besoin, tu vas être obligé d'aller chercher ça ailleurs. Ben, tu vas dire, ben, écoute, chérie, je t'aime bien gros, là, mais il faut que j'aille travailler. Ah, j'aurai plus ma soupe quand je vais arriver. Ben, Chris, travaille plus fort. Ben, je travaille déjà pas mal au bout. Ben, c'est ça, on va travailler un petit peu plus là, parce que là, j'ai besoin d'une robe puis tu n'as pas capable de la payer, fait que je vais aller la chercher. Ben, tu es obligé de délaisser un échange qui va relativement bien, mais qui, à cause de certains obstacles de vie, t'oblige, toi, à aller chercher quelque chose d'ailleurs. C'est simple de même. C'est pas compliqué, la vie, tu sais. C'est tu peux ou tu peux pas. Tu peux pas, faut t'aille ailleurs. Parce qu'ailleurs, tu vas trouver des niveaux d'échange qui vont permettre de développer des niveaux de contenance ou de talent qui vont régler l'obstacle. Ça peut prendre du temps, mais ça va être obligé de se faire à un moment donné. Il n'y a rien que vous ne faites pas dans la vie que ce n'est pas pour régler un problème. Tout ce que vous faites, toute l'énergie que vous dépensez dans une journée, c'est pour régler un problème. Puis remarquez le problème principal, okay, que vous avez dans la tête, c'est l'argent. L'argent étant un outil d'échange. Donc, on pourrait dire fondamentalement que les gens ont une grosse problématique d'échange, parce que les obstacles qu'ils ont à rencontrer dans leur vie personnelle, c'est des problèmes de communication, des problèmes d'échange. Puis comme ça ne suffit pas de vivre de l'émotion avec du monde, il faut que ça aille plus loin que ça soit plus subtil, bien là, on est obligé d'avoir des obstacles qui nous projettent dans la société pour avoir des niveaux d'échange avec des éléments étrangers pour améliorer notre contenance, donc notre talent, puis améliorer notre aptitude à régler les obstacles. Parce que souvent, vous avez ce qu'il faut, mais vous avez peur de ne pas l'avoir dans un mois, puis dans deux semaines, puis dans un an. Fait que vous êtes pris avec une crainte de l'avenir. Puis la crainte de l'avenir, vous essayez de capitaliser le plus possible sur une accumulation de ressources pour dire, ben là, je vais être protégé pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. On appelle ça la fameuse retraite. Et pendant le temps que tu coupes ton échange pour capitaliser financièrement, tu te prépares aussi une retraite où tu vas être bien isolé, puis tu vas avoir un problème d'échange avec ton environnement parce que les gens vont être là juste pour goûter à de la forme et non pas pour pouvoir goûter à de l'échange. Et tu vas te reporter le problème à plus tard, le problème de l'échange. Tandis que si tu as de l'échange immédiatement puis que tu as une certitude de générer jusqu'à 100 ans, ah, intéressant. Là, tu n'as plus de trouble de demain. Quand vous réglez votre futur parce que votre présent est bien padé, bien, vous n'avez plus de problème avec le futur. Mais quand votre futur, c'est où une angoisse permanente, parce que tu te demandes si tu vas avoir 1 000$ la semaine prochaine ou dans un an ou dans 5 ans, tu as une crise de problème dans la vie, je te jure. Bien, tout le monde en général, il prie que l'affaire de la liberté 55. Là. OK. À un moment donné, tu dis à 55, tu dis, bon, c'est peut-être 60. C'est pas mal en santé. Puis, faut que tu le règles, ce problème-là. Faut que ça soit un obstacle, mais faut pas que ça soit de la peur. Parce que quand tu es rendu vieux, de la peur, là, ça te fait prendre du rhumatisme. Là. C'est émotif, hein? Fait que c'est de l'eau. Les émotions, c'est de l'eau. Ça joue avec le système lymphatique dans le corps. Là. OK. Les reins, problème de circulation, tout ce qui est lié au liquide dans le corps, c'est lié aux émotions. Quand tu dis problème de d'échange, est-ce que c'est pas plutôt capacité d'échange? Une capacité d'échange, tu vas développer ça comment, tu penses? Le problème, oui. C'est l'échange ou la capacité ou l'incapacité d'échange? Que... Bon, je réponds à l'incapacité. Les gens sont incapables d'échanger parce qu'ils ont peur de l'autre. Ils ont peur de l'autre, pourquoi? Ils ont peur du rejet. Mais tu sais, ici dans la salle, je suis accepté dans une certaine mesure par un ensemble, mais si je me rapproche des gens, à un moment donné, ils vont être incapables de me prendre. Fait que plus la proximité augmente, plus c'est difficile de ne pas rejeter. Fait que c'est une question de distance. Si tu sais mesurer tes distances, tu ne vis pas de rejet avec le monde. Pas de rejet avec mes voisins si je ne rentre pas en conflit avec eux autres. Mais je vois des problèmes avec des voisins si je rentre dans des guerres d'opinion et de raisonnement. Mais ça, il faut être déjà dans une bonne proximité pour commencer à émettre un raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que faut que tu acceptes tout le temps. Tu sais, il y a des affaires que, bon, ça n'a pas d'allure. Quand ça n'a pas d'allure, tu sois capable de le voir aussi. Il y a des obstacles que tu ne peux pas régler tout seul. Moi, je te dirais, il y a 80% des obstacles dans la vie que j'ai, si je ne peux pas régler ça tout seul. Je suis obligé d'être en échange avec un environnement quelconque. En général, les désirs qu'on a, ça ne se règle pas tout seul. Nos besoins, là, à la limite, oui, on peut régler ça tout seul, mais nos désirs, ça se règle à deux, avec des gens très différents. Puis pour composer avec la différence, il faut que tu deals avec le rejet, sacrement, pas d'allure. Mais tu as toujours avantage d'aller chercher de l'échange. Ça permet premièrement d'éliminer. La peur que tu as souvent de l'échange, c'est à la mesure de l'obstacle que tu ne contiens pas. Fait que si tu es capable de défaire de la peur dans l'échange, tu réduis l'obstacle, puis tu le ramènes à un talent ou à une contenance, parce que du talent, la fonction principale du talent, c'est de te donner de la contenance devant l'obstacle. Puis tu favorises une sorte d'électricité ou d'énergie, appelle ça magnétisme ou ce que tu voudras. Tu favorises ça pour que l'obstacle prenne une proportion au niveau de la perception de l'obstacle qui devient ajustée à ta réalité, c'est-à-dire à ta contenance. Fait que les obstacles qu'on a, c'est bien virtuel, hein? C'est pour ça que c'est des peurs, parce que c'est une peur, c'est un obstacle émotivé. T'as de l'émotion dans l'obstacle. Puis ça devient, à cause de l'émotion, plus difficile de se défaire de l'obstacle parce qu'il te faut du talent. T'en as jamais assez quand tu te fais face à une peur. Parce que c'est pas le talent strictement, c'est la crise d'émotivité qu'il faut que tu élimines pour pouvoir arriver à ce que ça soit juste un obstacle. Non, mais tu sais, quand tu veux rendre ça fou, tu fais juste prendre un obstacle puis tu y mets de la peur dedans. Puis là, à un moment donné, t'as pas assez de talent pour régler ça parce que le seul talent, à un moment donné, qui reste, c'est... justement, d'échanger pour trouver des solutions ensemble. Mais là, quand tu coupes le dialogue, comme les Palestiniens puis les Libanais avec Israël, qu'est-ce que tu veux faire après? C'est la haine puis la rancune puis, tu sais, c'est un crescendo sans fin. Arrête.